professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi migrer ? Que gagne-t-on et que perd-on à migrer ? S'interroge le démographe sociologue François Héran. Comment peuvent s'imbriquer les motivations économiques et les motivations non économiques ? Au fond, qu'est-ce que l'intérêt à migrer ou à ne pas migrer ? Quels sont les jugements de valeur qui touchent le phénomène migratoire ? Et pourquoi l'expatrié aurait-il meilleure presse que le migrant ? Agrégé de philosophie, longtemps démographe sociologue à l'INSEE et l'INED, François Héran, titulaire de la chaire Migration et Société, se partage désormais entre le Collège de France et la direction de l'Institut Convergence Migration. Dans le cadre de sa nouvelle série « Pourquoi migrer ?», il propose d'interroger les facteurs déterminants des migrations. Depuis les deux derniers cours, il présente les théories de la migration dans un esprit interdisciplinaire. Dans la présentation de sa chaire, le démographe sociologue explique, et je le cite, que la migration internationale est par définition un phénomène à multiples facettes, démographiques, économiques, géopolitiques, juridiques, historiques, anthropologiques, éthiques, engageant une multiplicité d'acteurs. Mes travaux sont guidés par la volonté d'établir les faits et de les remettre en perspective dans le temps et dans l'espace. Il souligne la nécessité de passer d'une approche descriptive à une approche explicative. Car si l'analyse démographique joue souvent un rôle utile de garde-fou, elle tend aussi à s'enfermer dans une analyse interne. Je m'emploie à pratiquer une sociodémographie élargie des migrations qui prenne en compte tous les déterminants socio-économiques. Alors, comment s'articulent les décisions individuelles et les décisions du couple pour migrer ? Quelles sont les théories de la migration ? Nous poursuivons notre exploration des théories de la migration et nous gagnons le Collège de France le 24 janvier 2019 pour le cours de François Héran, Pourquoi migrer, 5e opus. Alors nous allons poursuivre aujourd'hui l'examen de l'état de l'art dans le domaine dit de la théorie des migrations, c'est-à-dire des théories qui tentent de dégager les ressorts et les raisons qui poussent les gens à migrer ou à ne pas migrer. On pourrait se contenter en apparence d'une réponse simple. Migrent les personnes qui se rendent compte qu'elles ont plus intérêt à migrer qu'à ne pas migrer. Mais, comme disait Umberto Eco, dans les Pendules de Foucault, à tout problème complexe, il existe une solution simple, et elle est fausse ou elle est mauvaise. Donc, on essaiera de garder cet aphorisme présent à l'esprit tout au long de ce cours. Alors, Gilles Saint-Paul, comme le saint du même nom, un économiste français volontiers provocateur, très néolibéral, a expliqué dans un rapport du Conseil d'analyse économique déjà ancien, qui datait de 2009, a expliqué qu'on pouvait se contenter de dresser le bilan des migrations en se plaçant uniquement du point de vue des pays d'accueil et en considérant exclusivement le bien-être des natifs. Et selon lui, le bien-être des migrants doit passer à l'arrière-plan grâce à l'argument dit de la préférence révélée. Alors, c'est très simple. Le fait que les migrants se retrouvent dans le pays d'accueil suffit à prouver qu'ils ont préféré quitter leur pays plutôt que d'y rester. Par le fait même d'avoir migré, ils ont donc amélioré leur bien-être. Et si tel n'était pas le cas, eh bien, ils seraient repartis. C'est ce qu'on appelle la préférence révélée, la préférence constatée ex post. C'est QFD, donc voilà une explication unique et simple, qui rejoint d'ailleurs le bon sens populaire. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à repartir. Alors c'est comme le cours que vous êtes en train de suivre. Et essayons d'expliquer ça par une analogie. C'était bien le cours d'Héran sur les migrations. Ben, si vous êtes sensible à l'argument de Gilles Saint-Paul, vous allez répondre du tac au tac, ben, c'est forcément bien puisque j'y suis allé. C'est ça l'argument de la préférence révélée. Et je ne peux pas dire autre chose du moment que je n'ai pas quitté la salle en cours de route. Donc je suis un être rationnel qui ne fait rien sans raison, rien qui ne soit dans mon intérêt. Et si je vais au cours du Collège de France, eh bien c'est forcément que j'y gagne plus que je n'y perds. Alors je pourrais évidemment me satisfaire de cette vision des choses. J'aurais intérêt à m'en satisfaire. Mais un chercheur digne de ce nom, évidemment, pousse toujours la curiosité plus loin. Pourquoi êtes-vous venu? Qu'espériez-vous vraiment? Êtes-vous venu de votre propre chef ou vous êtes-vous laissé entraîner? Et en l'absence d'enquête sérieuse, on en est réduit à des supputations ou à des imputations de motifs. Certains passaient par là, ils ont aperçu le porche du Collège de France, ils ont vu qu'il y avait de la lumière, que c'était chauffé, que les fauteuils étaient plutôt accueillants. Bon, d'autres, et j'ai la faiblesse de croire qu'ils sont bien plus nombreux, sont engagés dans le soutien aux immigrés et aux réfugiés, ils veulent remettre leur action en perspective. Puis d'autres, mais ce sont peut-être les mêmes, sont poussés par la curiosité intellectuelle, la soif d'apprendre, la fameuse libido sciendi chère à Saint-Augustin. Ils sont venus se cultiver sur la question de l'immigration, élargir leurs horizons. Alors quelles sont pareillement les motivations des immigrés? Eh bien, le problème de la théorie des préférences révélées, c'est qu'elle ne nous révèle rien des préférences. Si ce n'est que les intéressés ont eu des préférences et qu'ils ont préféré venir, point. Mais encore, tout ça est un peu court. La théorie ne nous dit rien, par exemple, des éventuelles déceptions. J'ai bravé les intempéries pour assister à ce cours et franchement, j'ai été déçu, il n'y a rien que des banalités. Bon, mais enfin, j'étais là, je suis resté, parce que s'arracher du lieu a aussi un coût. Et c'est un problème intéressant. Les migrants déçus, les spectateurs qui se sont déplacés sans trouver leur compte, et qui, bizarrement, ne repartent pas. Et c'est parce qu'il n'est pas si simple, évidemment, de dresser un constat d'échec et d'en tirer les conclusions. Faut-il rester ou repartir? Alors, les psychologues nous expliquent volontiers que nous avons tendance à persévérer dans l'erreur, y compris et surtout si nous étions engagés dans l'action en toute liberté. Je vais au cinéma, il s'avère que le film est un navet, et pourtant, je reste dans la salle. Car j'avais fait le libre choix d'y aller, je ne veux pas me déjuger. Les 100 premières pages de ce roman sont pénibles, mais je poursuis ma lecture avec abnégation, parce que j'espère qu'une fois ce cap franchi, je serai récompensé. Ça arrive d'ailleurs, c'est assez souvent le cas. Donc les psychologues appellent cela la théorie de l'engagement. Elle est exposée dans un grand classique, qui est en même temps un livre truffé d'exemples savoureux, Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, c'est le best-seller des presses universitaires de Grenoble. Ça se trouve dans toutes les librairies et c'est paru en 87, mais réédité plusieurs fois depuis. Et le titre s'explique par le fait qu'on obtient plus facilement quelque chose de quelqu'un quand on le laisse se décider en toute liberté que si on essaie de le contraindre ou de le soudoyer. Le marketing exploite le fait que nous avons du mal à interrompre une action si nous l'avons engagée de notre propre fait. Alors, il peut sembler irrationnel de persévérer dans l'erreur, et cela peut avoir des conséquences graves. Il arrive, par exemple, que de grandes nations, ou réputées-elles, envoient des expéditions militaires en pays lointain avant de constater que l'opération est un désastre, mais elles ne peuvent retirer leurs troupes sans se déjuger. Et Donald Trump confirme la règle. Il n'hésite pas à retirer ses troupes de Syrie parce que ce n'est pas lui qui déjuge dans ce cas, c'est son prédécesseur. Donc le problème se pose en revanche, évidemment, pour ce qui concerne son engagement à construire le mur anti-migrant à la frontière mexicaine. Mais revenons à notre sujet. Pour revenir à motivation des migrants et passer d'une théorie psychologique un peu courte à une vision plus économique, il y a une difficulté majeure du calcul rationnel qu'il faut soulever. y compris quand il prend la forme d'une simple estimation informelle au jugé, c'est qu'il ne suffit pas de pratiquer un calcul coût-bénéfice, il faut savoir actualiser ce calcul. Il faut l'actualiser en fonction des résultats obtenus, en fonction des modifications de l'environnement, mais à quelle fréquence refaire ces calculs? Est-ce qu'il n'est pas également coûteux de les refaire en temps réel? Alors, il y a une partie de la statistique qui s'occupe de cette affaire, c'est ce qu'on appelle le rayonnement bayésien, c'est le fait que, pour réestimer les probabilités des opérations futures, eh bien, je tiens compte, j'intègre dans mon modèle, j'intègre les réalisations que je peux déjà observer et qui servent de connaissances a priori pour la suite. Mais est-ce qu'une rationalité volatile est encore rationnelle? Et c'est une expérience qu'ont faite des millions de migrants et 100 fois observée, 100 fois vérifiée sur le terrain. Au moment de concevoir leur projet migratoire, les candidats à la migration sous-estiment la durée et les efforts nécessaires pour accumuler les sommes qui garantiraient un retour réussi, qui serait réussi à leurs propres yeux et réussi aux yeux de leur communauté. Le logement, par exemple, s'avère plus cher que prévu. Il n'est pas possible de sacrifier sa consommation et ses loisirs des années durant si les enfants grandissent et ne cessent de coûter toujours plus. Il faut également réviser le montant des transferts de fonds vers les proches qui sont restés au pays parce que, par exemple, l'inflation a rongé leurs revenus ou que le taux de change s'est dégradé, etc. Donc il faut refaire les comptes régulièrement. Il faut par exemple les refaire si vous devez héberger un apparenté supplémentaire, etc. Voilà ce qu'on observe. Alors la théorie des préférences révélées a quelque chose évidemment de très économique quand on l'applique à la décision de migrer. Nul besoin d'interroger les intéressés sur leur mobile ou sur leur motivation. Nul besoin de mener de lourdes enquêtes pour reconstituer leur parcours. S'ils sont ici, c'est qu'ils l'ont voulu. Point, et les intéressés sont donc juste ceux-là, des acteurs intéressés. Alors bien sûr, la réflexion de Gilles Saint-Paul, enfin c'est ce que je pense, était plus un jeu qu'une théorie sérieuse, et quand on considère vraiment le tableau des modèles économiques de la migration, qui n'a cessé de s'enrichir depuis les années 60, on peut évidemment n'être qu'impressionné par l'extraordinaire richesse de l'ensemble, et on peut s'en faire une idée en parcourant le grand manuel dirigé par Barry Chiswick et Paul Miller. Donc le grand manuel de Chiswick et Miller, qui est publié chez Elsevier, qui est un manuel de plusieurs tomes, dont les tomes ont commencé à apparaître en 2015, donc c'est vraiment tout récent, c'est au fond le dernier état de la grande revue mondiale, je dirais, des modèles de migration du point de vue économique. Et le premier tome s'ouvre, comme il se doit, sur un chapitre consacré à la théorie des migrations, au sens que je vous avais défini. Les auteurs partent de la théorie du capital humain, qu'ils placent au cœur de la théorie des migrations, à savoir que le migrant est une personne qui, en fonction des ressources disponibles, de l'information dont il dispose, décide de se déplacer vers un marché nouveau où ses investissements en capital humain obtiendront le meilleur rendement et où ce capital pourra continuer de croître. Mais ce préalable étant posé, ils exposent successivement tous les enrichissements possibles du modèle de base, et voilà, de façon non exhaustive et un peu réordonnée par mes soins, donc les rubriques qui sont égrenées par les auteurs, qui sont autant de sous-chapitres, avec parfois des dizaines de références. Ça vous donne une idée de l'enrichissement des modèles économiques qui tous s'inscrivent dans le paradigme néoclassique. Alors, il se trouve que, par exemple, une grande attention a été attachée au fait que ce n'est pas seulement l'individu qui est unité de décision et d'analyse pour le chercheur, c'est la famille ou le cercle de parenté. Et ceci, évidemment, c'est sous l'influence des anthropologues et des sociologues qui avaient beaucoup insisté sur ce changement d'unité d'analyse. Donc l'influence de la parenté est désormais prise en compte dans les modèles économiques, les réseaux de migrants, et ça j'en parlerai longuement à propos de la façon dont Douglas Massey intègre donc les filières migratoires et qu'il théorise sous le nom de capital social. Mais il y a aussi l'idée qu'il faut passer des modèles statiques aux modèles dynamiques, que les décisions de migrer évoluent au cours du cycle de vie, et donc il faut essayer de les expliquer, de les replacer à chaque âge et à chaque phase de la composition de la famille, du cycle de vie, des carrières, etc. Et ceci, évidemment, suppose des techniques statistiques très, très particulières. Il y a aussi le fait que l'information est finalement très faible, et ça, les économistes néoclassiques savent parfaitement qu'on n'est pas sur un marché d'information parfaite. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont besoin d'apprendre de l'extérieur, ils le savent. Mais ils en tiennent compte de façon diverse. Et une des façons principales pour eux d'en tenir compte, c'est d'intégrer le rapport à l'incertitude, le comportement vis-à-vis de l'incertain, et notamment l'aversion au risque ou les conduites d'assurance, toutes les techniques pour s'assurer face à l'incertitude. Et je reviendrai sur ce thème qui est évidemment très important. Il y a aussi quelque chose qui avait surpris beaucoup les tout premiers chercheurs. Quelqu'un comme Schofstadt, dont j'ai parlé la dernière fois, était même parti de ce paradoxe. C'est que, comment expliquer que tant de personnes, y compris dans l'exode rural ou dans les migrations entre États fédérés des États-Unis, soient allées se concentrer dans des régions où il y avait des taux de chômage plus élevés que dans la zone de départ. Alors, il faut évidemment multiplier les opportunités d'emploi par le taux de chômage pour avoir une idée, en quelque sorte, des opportunités dans le lieu de destination. Mais ce paradoxe, pourquoi migrer dans une zone où on aura un taux de chômage élevé, le paradoxe se pose en France, hein. Vous savez que les nouveaux entrants ont tendance à aller se fixer dans des zones qui autrefois étaient riches en emploi, mais qui ne le sont plus maintenant, parce que le chômage a sévi, mais ils sont fixés là par une politique de logement social, un marché du logement, et ils sont également attirés dans ces zones par l'existence d'une diaspora déjà installée. Donc il faut regarder un peu tous ces facteurs, et ça, les modèles économiques le font. Il y a aussi le migrant comme consommateur, le migrant qui doit arbitrer entre la consommation et le loisir, qui doit essayer d'estimer, au fond, l'ampleur des sacrifices de consommation qu'il doit faire pour épargner et envoyer de l'argent à sa famille. Et toutes les observations qui ont été faites déjà dans l'entre-deux-guerres et l'immédiate après-guerre ont montré que la capacité des migrants à économiser, à sacrifier leur consommation, atteignait des niveaux absolument incroyables, et qui expliquent en particulier l'entassement à un grand nombre de personnes dans un espace très réduit. Mais au fil du temps, les préférences en matière d'arbitrage entre consommation, loisirs, épargne, etc., évoluent, et ça, les modèles économiques en tiennent compte. Il y a aussi la décision de migrer qui n'est pas prise en fonction de l'espérance de gain ou du différentiel de gain qu'on peut attendre entre lieu de destination et lieu de départ, mais qui vont prendre en compte finalement le revenu relatif ou la pauvreté relative au lieu de départ. Et c'est là que Odette Stark, qui avait insisté là-dessus, et j'y reviendrai, il y a une certaine manière de s'informer sur les succès de la migration, c'est de regarder comment se comportent les migrants qui reviennent au pays, qui reviennent provisoirement pendant les vacances, par exemple, quels achats ils font, quel train de vie ils peuvent mener, et comment, très souvent, ces premiers migrants qui ont été les pionniers du départ, finalement, creusent les inégalités au lieu de départ, et ce creusement des inégalités est vivement ressenti par les intéressés, par les nouveaux candidats à la migration qui se disent « mais pourquoi lui et pas moi ?» Pourquoi n'aurais-je pas, moi aussi, droit à tout ce que mon voisin vient d'acquérir? Il y a bien sûr la question des effets de l'âge sur la décision de migrer. Les jeunes non chargés de famille qui peuvent encore se former intensément et ont plus de chances de migrer que les autres. Et ça, Gary Becker avait beaucoup insisté là-dessus dans son premier livre de 1963 sur le capital humain. Et ça a été évidemment vérifié largement sur le plan empirique. Et puis, il y a encore toute une série d'enrichissements qui ont été apportés au modèle néoclassique. Est-ce que l'on peut éclairer la décision d'immigrer en prenant en compte toute une série de facteurs? Alors, il y a ce qu'on appelle l'autosélection des migrants, c'est-à-dire le fait que ne migre pas n'importe qui en fonction du niveau d'éducation, en fonction de la charge de famille, en fonction de l'âge, en fonction du différentiel d'éducation par rapport à la population locale, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autosélection des migrants, sachant qu'il y a aussi une sélection, une hétérosélection, c'est celle des recruteurs, des entreprises, mais aussi des États qui peuvent avoir effectivement des politiques migratoires qui vont être très sélectives. Et à un certain moment, évidemment, je consacrerai une année entière à la question des politiques migratoires. Je n'en suis pas encore là, mais il y a des interactions, évidemment, entre ce qui se passe entre les causes des migrations et les conséquences et leur gestion. Bon, il y a tout ce qui est fiscalité, présence d'une protection sociale, etc., avec la fameuse question de savoir est-ce que les migrants sont attirés par la générosité de la protection sociale dans les pays de destination. Pour l'instant, si vous voulez, chaque fois qu'on a essayé de le vérifier, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup plus de contre-exemples que d'exemples. Pendant toutes les années 90 et 2000, quels sont les pays qui ont le plus attiré de migrants ? Ça a été les États-Unis, pas spécialement connus pour leur générosité en protection sociale. Ça a été en Europe l'Espagne, dont le système de protection sociale était particulièrement maigre. Et il n'y a pas de corrélation simple, évidente, elle est même plutôt négative, entre l'existence d'un certain niveau de générosité de protection sociale dans les pays de destination et les choix que feraient les personnes. Ils ne choisissent pas, n'est-ce pas, le pays en fonction de ça. Dans le débat public en Grande-Bretagne, cette question a pris une importance considérable et la principale accusation qui est lancée contre les Européens de l'Est qui migrent en Grande-Bretagne, c'est de venir attirés par la protection sociale. Et quand vous faites un tableau mondial, si vous voulez, des régimes de protection sociale croisés avec les courants migratoires, cette corrélation n'apparaît pas. Ça, c'est des facteurs d'attraction. Mais les économistes ont étudié également les défaillances de la protection sociale comme cause de départ. Le fait que, au fond, la protection sociale, ça permet de mettre les personnes à l'abri du besoin, c'était la fameuse formule de Pierre Larocque quand il avait lancé le discours fondateur de la sécurité sociale après la guerre, mettre les ouvriers à l'abri du besoin. Ces formules un peu anciennes. Mais dans beaucoup de pays générateurs de migration, eh bien, il n'y a pas le système d'assurance sociale, il n'y a pas non plus le système d'assurance tout court qui permettrait par exemple de se garantir contre les aléas climatique qui frappe la production agricole ou contre les aléas des variations de prix très fortes qui secouent le monde agricole. Donc l'absence, la défaillance d'un système bancaire ou d'un système de prêt, enfin de mutualisation agricole par exemple, est aussi une des raisons qui font que les gens vont chercher d'autres formes d'assurance et la migration, l'envoi d'un membre de la famille, ça va être en quelque sorte une forme d'assurance contre les risques qui frappent les exploitations agricoles, par exemple, dans les pays où l'agriculture est encore de loin l'activité dominante. Tout ceci s'est maintenant intégré dans des modèles économiques. Il faut évidemment des bases de données qui vous donnent une idée de la solidité du secteur bancaire, de l'existence d'institutions adéquates, etc. Mais c'est de plus en plus intégré dans les modèles. Il y a finalement toute la question de la gouvernance, de la solidité des institutions. Voilà, la corruption, la réduction des libertés, donc tous les éléments politiques qui sont des sources de migration, évidemment, évidentes. Donc pour l'instant, je vous fais une description qui est un petit peu, une énumération qui est un petit peu en vrac, mais simplement pour vous montrer que rien que dans ce chapitre sur les théories des migrations du gros manuel de Barry Chiswick et Paul Miner, tout ça figure déjà, alors qu'on est encore dans le modèle néoclassique, puisque on est en quelque sorte dans des sous-chapitres de la théorie du capital humain. Et puis, bien sûr, les effets de réseau, le réseau qui allège le coût de l'information, qui allège le coût de l'intégration quand on veut s'installer, qui allège considérablement toute l'information, enfin, le coût qu'implique le fait de s'informer sur les opportunités d'emploi, de logement, etc. Et enfin, une autre question qui agite beaucoup les économistes, il y a des spécialistes de ces questions-là, c'est comment s'articulent les décisions individuelles et les décisions du ménage ou du couple en matière de départ, de retour, de redépart, etc. Évidemment, confronter cette liste à la typologie des théories de la migration que je vous avais déjà énumérée la dernière fois, eh bien, on est quand même frappé de voir à quel point les modélisations économiques des migrations se sont développées en répondant, comme à autant de défis, aux critiques qui émanaient des théories non économiques de la migration. Et la longue liste que je viens de vous donner des thèmes qui permettent désormais d'enrichir les modèles économiques illustre ce que Gary Becker avait appelé très tôt l'impérialisme économique, c'est-à-dire la capacité de l'économie à récupérer des objections qui émanent des autres sciences sociales. Alors, la semaine dernière, j'ai commencé à suivre le fil donc tracé dans les années 93-98 par le comité Migration de l'Union internationale des études de population, que donc Douglas Massé avait présidé avec autorité. J'avais rappelé que Massé était un grand spécialiste de la migration mexicaine vers les États-Unis. Il était alors professeur de sociologie à Chicago et poursuivra ensuite sa carrière à Philadelphie et à Princeton. Il vient de prendre sa retraite. Et j'avais attiré votre attention sur le fait que Douglas Massé était l'un des rares sociologues à avoir étudié la migration depuis les lieux de départ et non les lieux d'arrivée. Et ce, par le biais du MMP, le Mexican Migration Project, qu'il a déployé à travers le Mexique sur un très vaste échantillon de communes et de foyers qu'il a ensuite suivi au fil des décennies, car c'était aussi un échantillon longitudinal. La typologie des théories a fortement influencé les manuels qui ont été publiés depuis dans le domaine des sciences sociales, et si elle commence maintenant à dater fortement, c'est que, donc, depuis son élaboration, au milieu des années 90, eh bien, les théories néoclassiques se sont emparées avec succès des thématiques abordées dans les autres rubriques de cette typologie. Je vous l'ai dit la semaine dernière, Massé, dans sa dernière présentation de la typologie, la version de 98, expédie en deux pages les théories néoclassiques. Il en donne une lecture très réductrice et, comme disent les Anglais, peu charitable. Et dans cette version réduite de l'approche néoclassique, le migrant est un individu isolé qui évolue dans un monde atomisé. Il détient une information parfaite sur les écarts de rémunération entre le marché du travail du lieu d'origine et celui du lieu de destination. Il effectue en connaissance de cause un calcul coût-bénéfice qui tient compte des coûts de la migration, de tous les coûts intermédiaires, comme évidemment le coût du transport, le manque à gagner en salaire durant la phase de prospection, ainsi que l'ampleur des économies qu'il compte faire sur sa consommation pour donc envoyer des fonds à sa famille. Mais dans cette perspective réduite à sa plus simple expression néoclassique, finalement, le mécanisme que voit Massé, c'est que l'offre de travail excédentaire ou mal payée dans les régions qui sont pauvres en capital physique, eh bien, tend à migrer spontanément dans un mécanisme de rééquilibrage, tend à migrer vers les régions riches en capital physique, mais demandeuses de main-d'œuvre peu qualifiée. Et tous ces flux, finalement, comme dans le modèle primitif d'Adam Smith que j'avais exposé dans ma leçon inaugurale, ces flux migratoires contribuent à rééquilibrer les salaires entre régions riches et régions pauvres. Smith pensait à l'Angleterre et à l'Écosse. Alors, le comité Massé juge cette modélisation néoclassique de la migration simpliste, irréaliste et obsolète. Ce sont quand même des attaques très dures. Et de fait, c'est un peu ce à quoi sert la modélisation néoclassique dans ces comptes rendus. Elle sert un peu de repoussoir pour toutes les disciplines qui cherchent, elles, et c'est assez légitime, qui cherchent à valoriser des théories plus qualitatives de la migration en insistant sur le rôle des liens familiaux, par exemple, sur le rôle des réseaux de relations. Mais regardez de près, on découvre que donc la modélisation néoclassique est plus subtile que cela, et on s'en rend compte quand on prend la peine de revenir aux textes originaux des principaux fondateurs de l'approche néoclassique des migrations, qu'il s'agisse de Larry Schostat, de Jacob Mintzer, de Gary Becker ou de Michael Todaro. Ces auteurs sont loin d'être arrivés à une approche strictement individuelle et monétaire, même s'ils recourent aux équivalents monétaires pour nourrir leurs équations, pour étayer leurs démonstrations. Collège de France et France Culture vous présentent le démographe sociologue François Héran, Pourquoi migrer ? Et alors, assez curieusement, Massé isole certains développements des théories néoclassiques pour en faire une théorie à part, dite « nouvelle théorie économique des migrations internationales, ou nouvelle économie des migrations internationales. Cette étiquette, ce n'est pas lui qui l'invente, elle avait été forgée par l'économiste israélien Odette Stark dans des publications des années 80, dont voici la plus fameuse. Il y a des milliers de citations, là encore, sur Google, se sont accumulées autour de cette publication. Et Odette Stark est quelqu'un de très prolifique, et en quelques années, il a publié une série d'études empiriques insistant sur trois nouveautés. Un, la décision de migrer donc n'est pas individuelle mais familiale. Le véritable stratège, au fond, c'est le couple, c'est le ménage. Deux, la décision de migrer n'est pas simplement déterminée par l'estimation du surcroît net de gains qu'on pourrait obtenir dans le pays de destination, mais par la perception, comme je vous l'ai déjà dit, du revenu relatif, donc par la comparaison avec le revenu des migrants qui reviennent au pays. Et trois, là aussi Stark a beaucoup insisté là-dessus, la migration, ben, c'est une forme d'assurance qui s'inscrit dans une stratégie plus générale des ménages, qui cherche à réduire les multiples risques qui pèsent sur les activités agricoles. Les aléas climatiques, les aléas sanitaires, les fortes variations des prix, etc. Et la sensibilité aux aléas est évidemment aggravée par l'absence d'un système fiable de crédit bancaire ou d'assurance, et puis aussi par la faiblesse ou l'inexistence d'une couverture sociale adéquate pour le chômage, la vieillesse, etc. Donc la famille, du coup, décide de réduire l'incertitude en envoyant un ou plusieurs membres de la famille travailler à l'étranger et en obtenant de lui des transferts monétaires réguliers, les fameuses remises. Et ça, ça suppose que la loyauté de la personne déléguée par la famille soit garantie. Il y a des systèmes pour essayer de faire en sorte que le délégué reste loyal envers la famille. On a des exemples où la loyauté se perd au fil du temps, hein. Je me souviens, quand j'étais en Andalousie, d'avoir rencontré un jour un de ces hommes qui, à l'époque franquiste, gardait les parkings moyennant quelques piécettes, là, sur les terrains vagues. Et on commence à discuter un peu de la migration. Ses enfants avaient migré et l'avaient abandonné. Ils ne savaient absolument plus où étaient ses enfants. Ils étaient quelque part en France, Dieu sait où. Et des situations comme celle-là, des parents qui sont en quelque sorte abandonnés par leurs enfants dans l'immigration, il y en a eu pas mal. Ce sont des cas qui ne sont pas du tout fictifs. Donc, il faut s'assurer de la loyauté du délégué, et les différentes nationalités, différents pays, ont mis au point tout un système de contrôle pour s'assurer la loyauté de leurs délégués. Il y a le système chinois du ticket, ce qu'on appelle le ticket, qui est donc un système d'endettement, de dette, et qui, effectivement, fait qu'on va contrôler assez rigoureusement, on va enfermer, en quelque sorte, le jeune couple qui a migré dans un système de dette avec une surveillance communautaire au pays de destination extrêmement sévère. Et la dette, c'est un mécanisme qui existe beaucoup dans les sociétés traditionnelles et qui va souvent être transposé dans le contrôle de la migration vers l'étranger. Mais il y a d'autres systèmes plus ou moins forcés ou semi-forcés, très difficiles à décrire quand on les regarde de près. Il existe par exemple, et c'est mon collègue Elmoub Mouhoud, professeur d'économie de la globalisation à l'Université Paris-Dauphine, qui lui s'intéresse beaucoup en ce moment au conseil communautaire qui, installé en France, regroupe les habitants d'une même région, d'un même ensemble de villages de Kabylie, par exemple, et ensemble contrôlent la façon dont les remises monétaires, dont les transferts de fonds vers le village vont être utilisés. On va veiller à ce que telle ou telle famille n'oublie pas de verser les fonds. On va veiller à ce que ces fonds arrivent bien à leur destination, qu'ils soient utilisés dans des activités qui ont un sens pour le développement de la communauté locale, par exemple. Alors les Maliens, notamment, ont des associations qui ont été étudiées par Jean-Christophe Dôme, qui sont particulièrement efficaces pour veiller à ça. Donc il peut y avoir comme ça des contrôles, des systèmes, et ce n'est pas du communautarisme, hein, c'est du contrôle communautaire, mais pour s'assurer que les transferts de fonds aillent bien vers leurs destinataires et soient correctement répartis. Et certains de ces conseils veillent à ce que les remises ne créent pas, ne creusent pas les inégalités dans les communautés, mais au contraire, puissent les compenser. Et souvent, ces conseils fonctionnent non pas par vote majoritaire, mais à l'unanimité. Ce sont les conseils traditionnels en ce sens-là. Alors, il ne fait pas de doute que les trois considérations, donc, les trois nouveautés apportées par Odette Stark et ses collègues ont enrichi la modélisation économique de la migration, l'a rendue plus réaliste, donc unité de décision plus familiale qu'individuelle, prise en compte du revenu relatif, recours à la migration comme assurance contre le risque. Mais, on le répète, enfin, tous ces éléments, en fait, sont déjà en germe dans la théorie du capital humain, développée à Columbia au début des années 60 et puis développée à Chicago. Jacob Mintzer, par exemple, avait écrit un article sur la façon dont les conjoints négociaient entre eux la décision de migrer. Avec déjà la question de savoir qui de deux conjoints allait gagner, allait perdre au début, par la suite, enfin bon, tous ces calculs, à quoi tenait le pouvoir de négociation de monsieur, de madame, enfin, ces questions-là, qu'aujourd'hui on rangerait, si vous voulez, dans la rubrique de l'analyse de genre, parce que c'est évidemment de ça qu'il est question. Gary Becker lui avait déjà introduit la dimension du risque et de l'aversion au risque, lorsqu'il expliquait qu'effectivement l'information sur le possible de gain était imparfaite. Donc, toutes ces théoriciens du capital humain n'étaient pas si individualistes qu'on le disait, ne versaient pas dans l'économisme borné qu'on se plaît à leur imputer. Ils avaient identifié une série d'obstacles à la mise en œuvre de décisions rationnelles, et notamment insistaient beaucoup déjà, dès les années 60, sur les coûts psychologiques, sur les coûts d'information. En 62, déjà, Larry Schostat, sans parler expressément de capital humain, avait élaboré un modèle littéraire, c'est-à-dire un modèle sans équation, insistant sur la migration comme investissement, notamment comme investissement dépendant du niveau d'éducation et permettant de relever le niveau d'éducation, de qualification, de productivité. Les exemples retenus étant en fait ceux de l'exode rural ou des migrations entre les États des États-Unis. Alors, j'ai interrogé des économistes d'obédience néoclassique que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment dans un colloque à Dauphine, en leur demandant, mais est-ce que cette nouvelle économie de la migration lancée par Odette Stark, dont personne ne conteste l'utilité, est-ce que c'est quelque chose qui reste inscrit ou pas dans le paradigme néoclassique? Et la réponse est qu'à leurs yeux, oui, ça ne sort pas du paradigme néoclassique, contrairement à l'impression que donne le bilan de Douglas Massey. Alors pourquoi les sociologues, les anthropologues ont-ils tenu à en faire un modèle de référence séparé? Ben, c'est parce que pour eux, évidemment, le fait d'introduire le couple, la famille, le groupe de parenté dans le tableau, c'est évidemment fondamental, parce que ce sont pour eux les acteurs absolument centraux dont s'occupe leur discipline. Et le lien primaire qui unit la famille nucléaire, le lien de parenté, avec ensuite tous les développements dont je parlerai sur la notion de capital social. En déplaçant donc l'attention des chercheurs du capital individuel vers les stratégies familiales, les économistes ont reconnu qu'ils avaient intérêt à puiser leur inspiration dans l'anthropologie et la sociologie s'ils voulaient enrichir leurs modèles et surtout les rendre plus réalistes, c'est-à-dire tester ces modèles et montrer qu'avec l'intégration de ces variables, eh bien, on arrivait à mieux prédire les flux réels de migration. Alors évidemment, on aurait tort d'y voir un lien de dépendance, parce que les économistes ne voient pas une marque de dépendance dans le fait d'emprunter, de puiser leur inspiration dans les autres disciplines. Pour eux, au contraire, c'est une preuve de leur impérialisme, de leur capacité à s'emparer des résultats d'autrui, à récupérer les variables socio-anthropologiques et, prétendent-ils, à leur donner leur plein rendement. Alors, c'est un point important sur lequel je voudrais attirer l'attention. Les sociologues, les anthropologues, mais aussi les juristes, souffrent indéniablement depuis quelques décennies de l'attrait croissant qu'exerce la discipline économique sur les jeunes générations. Donc de l'impérialisme des économistes sur les thèmes de recherche qui étaient traditionnellement dévolus à la sociologie, à l'anthropologie, la géographie, l'histoire, le droit, etc., l'immigration n'étant qu'un des domaines qui subissent cette pression. Mais, et c'est le point sur lequel je voudrais insister, je doute qu'un sociologue ou un anthropologue puisse protéger sa discipline en s'échinant à sous-estimer ou à caricaturer l'approche économique des migrations. Pas plus d'ailleurs que dans nos sociétés démocratiques en général, on se débarrassera du phénomène migratoire en le ramenant à la poursuite d'un intérêt purement économique. Par contraste avec la noblesse de la migration politique, par exemple. Et là, il y a une espèce de parallélisme entre ce que nous faisons dans le débat public et ce que font les chercheurs dans leur discipline. Dans ce cours, j'essaierai, pas aujourd'hui, mais plus tard, de souligner donc l'apport propre, la contribution vraiment très forte de la sociologie, l'anthropologie à la connaissance des migrations, de même que l'apport de l'histoire et de la géographie, l'apport de la démographie et de la santé publique, des études de santé publique, mais nul besoin pour faire cette démonstration de caricaturer les travaux des économistes, si imposants et si inquiétants soient-ils parfois. Il faut les prendre au sérieux. Et prendre au sérieux les économistes, ça veut dire être capable de reconnaître, le cas échéant, la réelle capacité de leur modèle à améliorer la compréhension du phénomène migratoire en intégrant des dimensions anthropologiques comme les stratégies des couples ou des familles, ou sociologiques comme le rôle des filières migratoires et des réseaux. C'est en tout cas l'état d'esprit donc, dans lequel je me placerai ici. Donc vous voyez, je ne suis pas dans l'idée d'une espèce de lutte frontale contre les économistes, contre lesquels il faudrait protéger le cœur de nos disciplines. Je pense que l'interaction entre les disciplines doit être quand même un peu plus subtile que ça et qu'il faut lire sérieusement les autres avant de les récuser. Ça paraît évident, mais ce n'est pas si fréquent dans le monde de la recherche. Alors, les chercheurs n'aiment pas trop modéliser le comportement des migrants comme des acteurs intéressés, qui seraient mus principalement par la logique économique, et de leur côté, les acteurs du débat public tendent à déconsidérer les migrants économiques, à juger leur motivation moins noble que celle du réfugié politique, par exemple. Et là, il y a un parallélisme sur lequel je voudrais insister. Il y a deux formes d'imputation, finalement, qui sont assez analogues. Et il faut éviter, je crois, de réduire les motivations économiques à la poursuite d'intérêts bassement matériels, comme on dit dans le langage courant. Une convoitise sociale aux effets atomisants, dangereuses pour la cohésion de la société. Il existe, après tout, des intérêts hautement matériels, ou du moins légitimement matériels. Là, il y a quelques grands classiques qu'on peut citer. En 1714, un huguenot hollandais, Bernard Mandeville, avait poussé à l'extrême la thèse de l'utilité sociale de l'égoïsme dans sa fameuse fable des abeilles. La fable des abeilles, vice privé, avantage public. C'est un pamphlet qui a connu un immense succès à travers toute l'Europe parce que Mandeville présentait de façon convaincante la recherche de l'intérêt privé comme une activité à la fois immorale et utile. Il en rajoutait dans le cynisme, c'est ça qui avait fait contribuer au succès de son pamphlet, mais en réalité, la recherche de l'intérêt n'était pas en soi immorale, elle était simplement étrangère à la morale, elle était amorale. De la même façon que sur un marché, l'extension des marchés, ça c'est quelque chose de fondamental sociologiquement, l'extension des marchés, c'est le fait qu'il n'y a plus d'amis ou d'ennemis, il y a simplement des vendeurs et des acheteurs. Et ça change complètement, évidemment, la coloration des relations sociales. Ça définit un nouveau type de rapport qui n'existait pas avant ou pas autant. Alors nous avons tendance à condamner moralement la migration économique alors que son ressort, se déplacer dans l'espace pour améliorer son sort, est tout à fait banal. Et là, je me permettrai de lire à ce sujet, une fois n'est vraiment pas coutume, un éditorial de Riss. Riss, c'est le dessinateur qui dirige la rédaction de Charlie Hebdo depuis l'attentat islamiste du 7 janvier 2015. Nous sommes en juin 2018. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dans une déclaration au Sénat, vient de déplorer la tendance qu'auraient les migrants de certains pays à choisir la France par pur calcul, en fonction du benchmarking. Vous vous souvenez peut-être de cette déclaration, c'est-à-dire du palmarès international des ressources sociales et juridiques qu'offrirait notre pays par rapport à d'autres pays. Et voilà le début de l'éditorial de Riss qui cite la déclaration de Gérard Collomb, les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe qui sont, on va dire, les plus fragiles. Telle nationalité, que je ne citerai pas, se dirige plutôt vers tel pays, non pas parce qu'elle est plus francophile, mais tout simplement parce qu'elle juge que là, c'est plus facile, etc. Et Riss continue, mais qu'y a-t-il de choquant à ça? Tout le monde fait ça. Je continue de citer Riss. Google choisit le pays le plus avantageux fiscalement pour installer son siège et payer moins d'impôts. Des chanteurs de variété se font domicilier en Patagonie et des patrons créent des sociétés écrans dans les paradis fiscaux pour les mêmes raisons. Curieusement, il n'y a qu'aux migrants qu'on fait le procès de choisir ce qu'il y a de meilleur pour eux. Ils ne cherchent pas à arnaquer le fisc, mais seulement à avoir la garantie que là où ils migrent, ils bénéficieront d'un minimum de protection sociale et juridique que leur pays d'origine ne leur donnait pas. Donc choisir sa destination pour ne plus être traité comme un chien serait donc plus grave que la choisir pour profiter d'une législation fiscale qui vous fera gagner des millions d'euros. La protection des biens passe une fois de plus avant la protection des personnes. Alors, il se poursuit, je ne peux pas vous lire la totalité de l'édito. Qu'est-ce que les migrants devraient faire pour ne pas être désignés du doigt comme des coupables? Ils devraient se résigner à suivre leur destin comme les branches emportées par le cours de la rivière. Un migrant qui se contente d'être un bout de bois à la surface de l'eau est un bon migrant, mais les pauvres ont parfois envie d'être autre chose que des brindilles dans le vent. Voilà, alors ça continue. Une étude de l'OMS vient de montrer que l'espérance de vie des Américains est passée légèrement en dessous de celle des Chinois. La dégradation du système de santé et surtout l'explosion du nombre de morts par overdose ont ramené la première puissance du monde presque au même niveau que la Chine. Alors pourquoi les migrants mexicains s'obstinent-ils à vouloir vivre aux États-Unis plutôt qu'en Chine? Et là, Rhys a plusieurs explications, parce que c'est moins loin. Mais aussi parce qu'on y trouve un truc pas encore très développé en Chine, les droits de l'homme. En Europe aussi, les multinationales font de l'optimisation fiscale. Pourquoi les migrants devraient-ils être coupables de faire de l'optimisation de leurs droits de l'homme? La fin est pas mal aussi. Alors qu'ils flottent sur leur bateau en plastique, juste au-dessus des milliers d'ossements humains au fond de la Méditerranée, les migrants qui espèrent vivre en France ou en Italie, plutôt que de mourir en Libye, raisonnent sans le savoir, comme beaucoup d'hommes politiques européens. Est-il plus avantageux pour ma carrière politique de débarquer dans un parti de droite ou dans un parti de gauche? Pour les hommes politiques, il est même permis, quand l'air du temps évolue, de changer de camp et de retourner sa veste. On commence à gauche et on finit à droite, ou l'inverse, en fonction des opportunités. Mais ces migrants de la politique qui choisissent le parti le plus favorable à leurs ambitions politiciennes ne prennent pas beaucoup de risques. S'ils se trompent, ils subiront au pire une traversée du désert de quelques années et on les verra réapparaître comme une bouteille qui remonte à la surface après un naufrage. Pas les migrants, eux, restent toujours au fond. Bon. Alors, évidemment, ce texte n'a pas de prétention scientifique. Et pour reprendre les catégories de l'analyse rhétorique du discours, Rhys manie tour à tour le logos, le pathos et l'éthos, c'est-à-dire le raisonnement rationnel, l'appel aux émotions et le jugement sur les personnes. Bon, il est normal, évidemment, qu'il dose ces trois ingrédients différemment de ce que ferait l'auteur d'un article scientifique. Ceci étant, le parallèle dressé par Rhys entre les différentes façons de poursuivre son intérêt, selon qu'on est simple migrant ou actionnaire d'un GAFA, par exemple, me semble tout à fait pertinent. La preuve, par le contraire, c'est finalement une démarche scientifique en soi. Et Rhys met en évidence le fait que nous, dans cette scène du jugement dernier, et je reviendrai sur cette comparaison, dans cette scène du jugement dernier où nous convoquons autrui pour trier les bonnes et les mauvaises motivations avant de déclarer qui sera sauvé, nous avons en réalité deux poids, deux mesures. Les mêmes motivations sont jugées beaucoup plus sévèrement quand il s'agit de migrants. Et alors, détail savoureux, depuis la publication de cet éditorial, le ministre en question, grand calculateur devant l'éternel, a effectué une spectaculaire migration, une migration de retour vers sa bonne ville de Lyon. Et serait-il exagéré de conclure qu'il a intégré dans sa décision quelques éléments de benchmarking électoral? Alors, deux poids, deux mesures dans l'appréciation des bonnes ou des mauvaises raisons de migrer, eh bien, c'est aussi ce que nous faisons quand nous parlons des expatriés français par contraste avec les immigrés du Sud. Et là, c'est François Gemène, le politiste belge spécialiste des questions de migration et d'environnement, qui a récemment attiré mon attention sur ce point. On s'est retrouvés tous les deux dans un colloque à l'Académie royale de Belgique et j'étais très frappé par... La télévision française, explique Gemène, et on peut étendre ça à YouTube, nous propose régulièrement des reportages sur les Français expatriés à l'étranger. Et de fait, si vous faites une recherche rapide sur Internet, eh bien, vous trouvez très vite une longue liste de reportages qui ont été diffusés sur TF1, France Télévisions, d'autres médias. Et voici quelques titres d'émissions récentes que j'ai pu relever qui célèbrent les expatriés dans les médias français. C'est juste un florilège, on pourrait allonger la liste. Génération expat, ils ont osé l'aventure. Expatriés, une nouvelle vie. Ils sont jeunes et ils ont quitté la France. Ces Français du bout du monde, si heureux d'avoir quitté la France. Ces Français qui plaquent tout pour partir à l'étranger. la vie rêvée des Français à Sydney. Changer de vie, ces Français qui ont réalisé leurs rêves. Je vous cite textuellement le titre des émissions. Là-bas, tout est possible. Colombie, nouvel Eldorado des Français. La Nouvelle-Zélande, nouvel Eldorado des Français, des jeunes Français. Vous voyez, nous sommes partagés, déchirés entre plusieurs Eldorado, deux bouts de la planète. Vous voyez, c'est quand même très, très, très intéressant. Ce fleurilège est révélateur. Je rappelle que parallèlement à ces documentaires, il y a un salon qui se tient chaque année sur le thème « S'expatrier, mode d'emploi ». Et Pôle emploi, de son côté, invite les jeunes à postuler dans la section « Mobilité internationale » que vous trouverez très aisément sur leur site. On parle de migration de travail pour les immigrés installés chez nous, mais d'emploi international pour le Français qui émigre. Mais soyons clairs, en bon français, en bonne démographie, expatrié, bien expatrié, c'est un euphémisme pour émigrer, ni plus ni moins. Français vivant à l'étranger a le même sens. Et réciproquement, pour le pays de destination, les personnes, fussent-elles françaises, que nous qualifions d'expatriés, sont tout simplement des immigrés, puisqu'ils respectent les critères que je vous ai donnés, nés étrangers à l'étranger, ayant franchi une frontière, installés pour une durée d'au moins un an, les critères sont remplis. Alors leurs occupations, quand on regarde un petit peu tous ces reportages, elles couvrent toutes sortes de qualifications, il y a des étudiants, il y a des serveurs, il y a des restaurateurs, des réceptionnistes, des infirmières, des agents immobiliers, des guides, des techniciens ou ingénieurs de maintenance sur des sites gaziers ou pétroliers, des consultants, des enseignants. On ne compte pas d'exilés parmi eux, si ce n'est, mais si peu, des exilés fiscaux. Et salariés ou indépendants, ils ont tous l'esprit d'entreprise. Les commentaires de ces émissions valorisent le fait même de changer de pays, de changer de vie, d'aller voir ailleurs, sans qu'il soit besoin d'ajouter plus noble motivation. Ça suffit. Audrey Le Noël, qui étudie l'émigration depuis le Sénégal, me rapporte les mêmes discours. Le migrant économique n'est pas un individu investi dans la recherche cynique de son profit personnel, c'est un aventurier. Il est doté d'une mentalité d'expat. Et la littérature des migrants, ou les témoignages plus ou moins reconstitués du parcours des migrants, insistent beaucoup sur le thème de l'aventurier. Et le retour au pays, évidemment, est difficile, car si la migration n'a pas tenu ses promesses, et le problème se pose également pour les émigrés français, il est traité dans des documentaires, je peux encore vous signaler d'autres titres, tels que « Expat, le difficile retour ». Alors, faut-il en conclure qu'en dehors des étudiants, ces émigrés français relèvent tous de la migration économique ? Osera-t-on appliquer à nos compatriotes des catégories forgées pour le traitement des étrangers ? Eh bien, nous l'acceptons très difficilement, comme le montrent les sites privés spécialisés qui ont mené leur petite enquête sur les motifs de l'expatriation. On n'y retrouve pas vraiment les catégories des titres de séjour délivrés par les préfectures. Vous voyez cet exemple qui est tiré d'un bloc d'informations répondant au doux nom de Viking. Il nous livre le top 5 des motivations de départ des Français à l'étranger. Alors, vous avez 34% opportunités professionnelles, 30% amour, 29% intérêt culturel, 29% qualité de vie, 25% avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Donc, vous imaginez les préfectures françaises délivrant à des étrangers candidats au séjour des visas d'amour, des visas estampillés qualité de vie. Quel est le motif de votre séjour en France ? Je cherche à améliorer ma qualité de vie. Ah ben très bien, veuillez cocher cette case, ce sera le guichet numéro 4. Bon, cessons de rêver et traduisons ces formules dans le langage des guichets. La recherche d'opportunités professionnelles, c'est une migration de travail. L'amour, ça m'a tout l'air d'être une sous-catégorie de regroupement familial. Le rapprochement de conjoints, mariés ou non, peu importe, avec certificat du maire attestant la réalité de la vie maritale. Intérêt culturel, vous voulez dire études supérieures en France, migration de formation, il n'est pas prévu dans la nomenclature officielle des motifs qu'on puisse migrer en France parce qu'on aime la France. Qualité de vie, ça sent la migration de confort. ça sent le tourisme social tant redouté des Britanniques, hein, c'est-à-dire le fait de choisir le pays le plus offrant en matière de protection sociale, à moins que ce ne soit une demande de séjour humanitaire pour raison de santé, ou alors première percée de la migration climatique. Il va falloir clarifier tout ça. Quant à l'idée de migrer pour se prévaloir d'une expérience professionnelle à l'étranger, bon, c'est très honorable en apparence, hein, ça renvoie à la théorie de la migration comme forme d'investissement en capital humain. Enfin, ne soyons pas dupes, vous aurez beau invoquer les mannes de Gary Becker, votre projet nous ramène au premier cas de figure, la migration de travail. Enfin, objecterez-vous, ce ne sont pas des immigrés quelconques, ce sont des Français. Vous n'allez tout de même pas leur appliquer le traitement standard. Et le nom du site où j'ai trouvé ce baromètre des motivations des expatriés est en soi un révélateur, Viking. Vous savez, les Vikings, vous en souvenez peut-être, c'est ce peuple qui s'adonnait jadis au doux commerce des fourrures dans l'Europe du Nord, et puis qui soudainement, comme les Acridiens, se sont métamorphosés, sans qu'on sache trop pourquoi, en guerriers redoutables. Ils ont poussé des raids sur toutes les côtes européennes, ils sont allés jusqu'à Paris, jusqu'à Constantinople. Et c'est le type même de la migration économique venue piller nos trésors. Mais à tout péché et miséricorde, il suffit d'évoquer l'esprit d'aventure, l'esprit de conquête, pour jeter un voile sur ce passé sordide et le glorifier. Et puis c'est dans tous les manuels d'histoire, nous avons fini par amadouer les Vikings, hein, en 911, Rollon, ancêtre des ducs de Normandie, a fini par signer avec le roi de France un accord d'accueil et d'intégration, un contrat d'accueil et d'intégration. Et c'est ainsi que les Vikings sont devenus des Normands. Il y en a peut-être dans cette salle. Et pourquoi je me polarise sur les Vikings? Parce que je cite ça dans mon livre « Avec l'immigration ». J'en avais discuté avec Jacques Dupaquier, qui était un historien des populations, qui avait été directeur d'études à l'École pratique des études, et qui avait consacré toute sa retraite à essayer de rétablir la vérité sur les vrais chiffres de l'immigration, et qui était vraiment très, très obsédé. Il a laissé une grande interview autobiographique dans une revue d'histoire à ce sujet, par le fait que la France était de plus en plus occupé par des allogènes. C'était l'expression qu'il avait utilisée. Et un jour, on était ensemble en Normandie, d'ailleurs, dans un colloque sur Turgot. Et il m'a dit, moi, dans mon ascendance, les seuls étrangers que j'ai, ce sont des Vikings. Ça, c'est une immigration qui, avec le temps, est devenue acceptable. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter François Héran, sa série « Pourquoi migrer ?». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François Héran. Il a publié à La Découverte en 2017 l'essai intitulé « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir ». Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard. Iconographie et site web Claire Poinsignon et Marion Barsac. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons l'exploration des théories de la migration en compagnie de François Héran. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.